بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما القاعدتان الآخرتان أخذناهما؟ الآخرة اسم الله عز وجل توقيفية. نعم، والتي قبلها؟ التي قبلها هذه كانت ظلت دلالة الأسماء والصفات يتضمن ثلاثة أشياء: مطابقة، ناقص مطابقة. دلالات أسماء الله على ذاته وصفاته تكون تكون على ثلاثة أشياء. نعم، مطابقة. نعم، على جميع المعاني، جميع أجل معنى، وتضمن جوز معناه. نعم، والالتزام خارج المعنى. طيب أحسنت. قال القاعدة السادسة رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. كل من الله عز وجل ne sont pas connus pour un nombre limité. طيب، ne se limite pas en un nombre. Comme beaucoup s'imaginent qu'ils sont que 99 noms. Les colis, sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith al-mashhur, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, ou nazaltahu fi kitabik, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou istaghfalta bihi fi ilm al-ghayb indak. Qu'il a dit: je te demande par tout nom qui est le tien, par lequel tu t'es nommé toi-même, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à quiconque de ta création, ou alors que tu regardes auprès de toi dans la science de l'invisible. Donc là, c'est ça le shahid, ou sta'farta bihi, que tu regardes auprès de toi. Mais yadoul ala anna asma Allahi aksal mima na'alamuha. Wal hadithu rawahu Ahmadu wa ibn Hibban wal Hakim wa wa sahih. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا إحاطة به. Qu'est-ce que Allah garde auprès de lui, personne ne peut le délimiter, le dénombrer ou même le cerner. فما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلى واحدة من أحصاها دخل الجنة. Que Allah a certes 99 noms, ou plutôt on dira qu'il y a 99 noms à Allah, c'est-à-dire 100 moins 1, celui qui les a, qui les mémorise en trois au Jannah. Tayyib, souhait le nahoui ou na. Inna lillahi 99 isman. Ma yarlab 99? Khabar. Khabar maza? إن لله 99. اسم إنا. نعم، اسم إنا مؤخر. أحسنت. وإسمان سكو يعرب دو إسمان ما يعرب إسمان 99 إسمان. Facile ça. Tisaten ou tisrin isman. Ah, tamiz. Miyat il est wahida. Ma yalab wahidan. Quoi le mansoub là, wahidan? Il a qu'abla hu. Kalam. Tam. Tam. Tam et tam moutbatan. Non, moutbatan moujab. أحسنت. فلا سي واجب النصب اللي منصوب وجوبا. دونك il dit فلا يدل ولا حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد لحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 isman man ahsaha dakhala al-janna wa nahwa dhalika. Donc ce hadith ne prouve pas que les noms sont limités à ce nombre-là, 99, car sinon le hadith, il serait venu dans une autre formule, il serait venu que certes Allah, certes les noms d'Allah sont de 99. Inna asma Allah tis'atun wa tis'un. Ça aurait été dit comme ça. Et là, dans cette version, inna asma Allah tis'atun wa tis'un. Mais Allah tis'atun wa tis'un. Khabar inna. Marfoua. Fahamt? Ça aurait été que, certes, les noms d'Allah sont de 99. Akada. Et Al-Nawawi, dans son char des musulmans, il rapportait que les ulama sont unanimes dans ce hadith que ce nombre, justement, n'est pas venu pour limiter le nom d'Allah Azza wa Jal auprès de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plus, que, plus de noms que ce nombre-là. Et ce ittifaq rapporté par l'imam Nawawi, bien sûr, في نظر مثلا ابن حزم lui ابن كج eux ils ont dit que le nom d'Allah sont le 99 en prenant le l'apparent selon l'apparent du hadith, mais il se peut que certains ulémas des fois ne prennent pas le kalam de ibn Hazm en compte dans la aqida, car dans la aqida ibn Hazm طيب لم يكونوا على ما كان عليه السنة, il a beaucoup d'erreurs dans la aqida. Mais dans le fiqh, c'est un imam. Et Cheikh Kamel Adani, dit qu'il a interrogé Cheikh Yahya à propos de Ibn Hazm, et dit que Ibn Hazm n'est pas parti, ne fait pas partie de El Sunnati wa Jama'a. Et apparemment, ce que dirait Cheikh Saleh al-Sheikh dans son char de Al-Wasatiyya, que Ibn Hazm ne fait pas partie des gens de la Sunna. Là, dans le ta'liq, c'est ce qu'il cite. Qal. فإذا معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. Donc le hadith veut dire quoi? Que celui qui aura mémorisé ces 99 noms entrera au Jannah. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a qu'à 99 noms. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. Que la phrase justement celui qui les mémorise entre Rodjana, c'est une phrase qui vient pour compléter la phrase précédente et non pas une phrase à part, indépendante. On a dit à Hada, en Nakul, Indi Miatun Diraham, Adatuha l'Sadaka, Feinna ou Layamna, en Yakun Indek, Darahim ou Khara, Lam Taoudaha l'Sadaka. Comme il dit Cheikh Othaymin dans l'exemple, c'est comme si demain, tu préparais, Mephalen, tu dis j'ai 100 dirhams préparé pour la sadaqa dans ta poche. Ces 100 là en particulier, tu les as mis pour une chose particulière. Il dit ça n'empêche pas que tu peux avoir d'autres argent à côté que tu n'as pas préparé pour la sadaqa. Mais ces 100 dirhams là que tu as mis là, c'est pour la sadaqa. Man wajadaha fayyalahu mathalan. Celui qui les trouve, c'est pour lui. Et cela ne veut pas dire que tu n'as que 100 dirhams avec toi. Walam yasah anil nabi sallallahu alayhi wa sallam. تعيين اسماء هذه الاسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. Qu'il n'y a aucun hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement précise qu'ils n'ont que 99. Et le seul hadith qui est venu n'est pas authentique. Après il cita le kalam de Sheikh Hassan al-Fatawa. Avec l'illa qui montre le dhaif du hadith. Et le calendrier d'Ibn Hajar, كذلك dans Fath al-Bari. Puis il dit ensuite, وَلَمَّا لَمْ يَسَحْ تَعْيِنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِخْتَلَفَ السَّلَفِ فِيهِ وَرُوِيَ عَنُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنْوَعَ. Donc après, quand justement on a vu que ces noms ne sont pas limités à ce nombre, les salafs ont divergé par rapport à cela. au nombre de noms d'Allah Azza wa Jalla que tu as trouvé. قال وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et il dit que moi j'ai rassemblé là maintenant 99 noms de ce qui m'est apparu dans le kitab et dans la sunna. Cheikh Yahya al-Hajuri, lui, il en a cité 109 dans Al-Mabadi al-Mufida, dont 18 près de la sunna. Donc là, on va citer les noms que Shir Ibn Uthaymeen a trouvés. On ne les traduit pas, on cite les noms comme ça. Et celui qui veut entendre le ma'na du nom et le dalil qui va avec, il retourne dans Doulous de Malbadi al-Mufida. On ne va pas avoir à les répéter. Al-Ennakra Sardan Fakat. Qa'ala, famine kitabi Allah ta'ala. Maintenant du Coran, qu'est-ce qu'il a trouvé comme nom? Allah, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwalu. الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم الغفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. كل هذه الأسماء من سيتي لا فمو القرآن. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند السنة لا تخفي كوا الجميل الجواد جواد الحديث في كلام من العلماء من يقول انه لا يثبت d'accord les ulama font que le hadith contenant l'ism al-jawad n'est pas authentique al-hakam al-hayy ar-rabb ar-rafiq as-subuh as-sayyid as-shafi at-tayyib al-qabid al-basit al-muqaddim al-mu'akhir al-muhsin المحسن كذلك الحديث جاء فيه أن المحسن اسم لله على حديث في كلام هناك يبقى الحديث إنه بوتنسيك المعطي المنان الوتر قال donc là il a fini en citant ces noms là qui sont de la sunna et là il arrive à combien en tout 99 à savoir qu'il y en a d'autres trouvez par les adjillah, comme l'a fait Cheikh Yahya al-Hajuri, hafiz Allah ta'ala, il y en a d'autres. هذا ما اخترناه بتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit ce qu'on avait trouvé, dans la recherche, c'est-à-dire 81 noms dans le kitab et 18 dans la sunnah. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قول الله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا اسم الحفي qui a un sens proche de latif car il dit qu'il est cité dans le Coran que de façon spécifique c'est-à-dire par rapport à Ibrahim comme quand Allah Azzawajal dans le sens où il dit, certes, il est envers moi, hafi, latif, il est doux envers moi. Donc là, c'est pas comme si c'était un nom donné mutlaqan akada. Mais comme si c'était une chose qui avait été khas par rapport à Ibrahim, alayhi salam. Wa kadhalika al-muhsin. Lui aussi dit al-muhsin. لأننا لم نطلع على روايته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. Donc il a dit que nous n'avons pas regardé le rapport, c'est-à-dire la riwaya chez Tabarani. Par contre, Cheikh l'Islam lui l'a mis parmi les Asma. Le compte parmi les Asma, les Mursin. من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. Et parmi ces noms, certains autres sont des mudaf ilayhi. Comme Malik al-Muluk et Zul Jalal wal-Ikram. Hada min asma illa, mais ils sont mudaf ilayhi. Donc là, la qaïda, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas connus auprès de nous. Ou plutôt, afouan, ne sont pas limités à un nombre défini. Connu auprès de nous. Hada. Donc le hadith disant qu'ils ont que 99, il y en a un, il n'est pas à comprendre comme étant un hasr et l'autre n'est pas authentique. Thumma qal al-qa'ilatu al-sabi'a. Septième règle. للحياه اسماء الله تعالى وهو الميل بها عما يجب فيها وهو انواع. Donc là maintenant c'est l'ilhad, on l'a pris dans le kitab tawhid. Donc même l'ilhad dans les asma d'Allah azza wa jal, et c'est le fait de pencher ou de se détourner un peu de ce que ces noms incombent ou incluent. Il y a différentes catégories. Le fait d'être de blasphémer et d'être injuste envers ses noms. كما ذكرنا للحج في اسماء الله والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. Le fait de ne pas leur rendre le droit et leur réalité et le sens qui va avec. Réel. الاول ان ينكر شيئا منها ومما دلت عليه من الصفات والاحكام كما فعل اهل التعطيل من الجهميه وغيرهم. Donc on l'avait pris dans la Tadmouria. C'est le fait de nier une chose, مثلاً, dont ses noms prouvent comme sifat ou comme règle. Comme l'ont fait les Tartil, qui sont les Jahmiya, par exemple, ou autre que. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل عما يجب فيها. Donc cela est l'ilhad, car à la base on doit croire en ces noms et en ce qu'ils prouvent comme sens et comme règle et comme sifat. Et cela de façon qui revient à Allah Azza wa Jal, comme il se doit. الثاني, deuxième forme de l'ilhad, أن يجعلها دالة على صفة تشابه صفة المخلوقين كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن يدل على عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعل دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. Donc autre sens, مثلا le fait de rendre justement ces noms d'Allah عز وجل, les amener comme preuve sur des sifat et faire ressembler et faire et décrire ces sifat comme étant comme les nôtres ou comme ceux de la création qui amènera tout le monde dans le tashbih. Donc ça c'est un al-ilhad kadhalik, et c'est un ta'til, car le tashbih c'est un ta'til. Pourquoi? Car la chose tu la sens dans sa réalité. Lui il croit qu'il affirme un sifat, il dit Allah na'am, il a telle sifat, je le reconnais, cette sifat elle est de telle et telle manière. Il te fait un tashbih, un tamthil. Donc on dit en faisant cela, tu as fait un tartil. Car la sifat d'Allah, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle est. Donc la façon dont toi tu l'as décrit, tu l'as conçu, ça veut dire que tu l'as quoi? Sorti de sa réalité. Donc tu as fait un tartil. Même si tu ne t'en rends pas compte, lui va te dire, moi je vois la sifa, tu ne suis pas un mu'attil. On dit, si tu es un mu'attil. Car la sifa, tu ne vois pas dans sa vraie réalité que nous on ne connaît pas. Mais ce que toi tu as apporté comme conception n'est pas conforme à sa réalité. Qui n'est que seul Allah Azzawajal connaît. Comme Allah Azzawajal, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Que nul ne le sert de sa science. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل عن ما يجيب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه به نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. Donc maintenant, c'est le fait de nommer Allah, troisième forme, on l'a pris dans le kitab Tawhid, par un nom qui ne s'est pas attribué. Comme par exemple les chrétiens qui l'ont appelé le Père. Ou même, de façon générale, ils l'ont appelé Dieu. Les gens l'appellent Dieu aujourd'hui. Ou Masalan, comme il dit, les falasifa, les philosophes, ils l'appellent Al-Illa Al-Fa'ila, ce qu'on va dire la cause d'action, la cause active. On traduirait comme ça. Genre comme une force qui agit, quoi, en fait. Car les noms d'Allah, Azza wa Jalla, auparavant, ils sont tawqifiyya, par décret divin. Donc tu ne peux, toi, arriver et affirmer une chose que l'Allah n'a pas affirmée pour lui-même. Donc ça, c'est un quoi ? C'est un ilhad, kathalik. C'est un ilhad, mais cela est bâtil. Arabi' en yushtok min asma'ihi asma' lil asnam kama fa'ala al-mushrikoun fi ishtiqaq al-izza min al-aziz wa ishtiqaq al-lat min al-ilah على احد القولين فسموا بها اصنامهم. Donc maintenant quatrième qu'on a pris au kitab Tawhid, c'est le fait de tirer de ce nom d'Allah Azza wa Jal des noms pour les asnam. Al-Izza, c'était pris de quoi? De l'Aziz, qui est min asma'illah. Et Al-Lat, ça vient de Al-Ilah. Ils ont pris ces noms là ils en ont fait un dérivé et ils l'ont appliqué sur leur asnam. وذلك لان اسماء الله تعالى مختصة به لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Quels noms d'Allah lui sont propres à lui-même, ils n'en viennent que à lui, comme il dit dans le sens, et que Allah les plus beaux noms, alors invoquez-le avec. وقوله الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى. Allah لا إله إلا هو, pas de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, il a les plus beaux noms. وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض, qu'il a les noms les plus beaux et qu'il est purifié par tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Ils font le tasbih pour lui. فَكَمَا اَخْتَصَّ بِالْعِبَادَةِ وَالْأُلُوهِيَةِ الْحَقِّ وَبِيَنَّهُ يُسَبِّحْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ مُخْتَصٌ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى. Donc tout comme Allah SWT est unifié par l'ibada et par l'uluhiyya, également, il est unifié dans ses noms. D'accord, donc il est spécifique comme nom. فَتَسْمِيَتُ غَيْرِهِ بِمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَخْتَصُ بِاللَّهِ عَزَ وَجَلْ مَيْلُ بِهَا عَمَا يَجِبُ فِيهَا. Donc le fait de nommer Allah عَزَ وَجَلْ par un nom qui lui est propre, ou alors un nom qui serait commun, mais le faire, l'appliquer de la façon qui est spécifique à Allah عَزَ وَجَلْ pour Allah عَزَ وَجَلْ, ça c'est الْحَدْ. Et c'est le shirk, كذلك. C'est le shirk. وللحاد بجميع انواعه محرم لان الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. للحاد محرم sous toutes ses formes, les quatre qu'on vient de prendre là maintenant, محرم. Car Allah عز وجل, dans le sens, il a défié justement les mulhidin en disant aux gens, et délaissez ceux qui blasphèment ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils accomplissaient, c'est-à-dire leur ilhad. ومنهم يكون شركا او كفرا كما هو dit. Dans cette chose là il y a du shirk ou du kufr, comme le fait de nommer Allah par un nom qui ne revient pas et qui contient un ox ou un défaut au réel des adéquats, ou alors donner son nom qui lui est spécifique sous la forme qui lui est spécifique à autre que lui, c'est du shirk في الاسماء والصفات وحسب ما تقتضيه الادله الشرعيه, en fonction de ce que implique les adilah shariya. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم, que les noms d'Allah عز وجل ne sont pas marsoura ladayna bi'adad mu'ayyan, d'un nombre précis, d'un nombre précis. Également, on a parlé de al-ilhad fi asma'ihi. Toutes ces formes. Et ça, on l'avait cité également dans Kitab Tawhid et dans At-Tadmuriyya. Et on avait parlé dans Al-Mabadi al-Mufida. La hajata ila li'adat at-tafsil huna. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.